une messe de minuit en Bretagne. Briseux, le poète breton par excellence, mort en 1834, qui ne chante que son pays natal, la terre de granit recouverte de chênes, a décrit avec la fraîcheur et la sincérité de l'inspiration une messe de minuit dans le pays des Genêts et des Bruyères. « Ouvre, c'est moi, Joseph. Quoi, si tard en voyage? N'as-tu pas rencontré les chiens par le village? Mon Dieu, seul et si tard, dans le creux des chemins? À ce feu de Noël, viens réchauffer tes mains. Noël, t'en souvient-il, quand, pour bâtir la crèche, les prêtres nous menaient cueillir la mousse fraîche? Ne ris pas, c'est Noël qui, chez toi, me conduit. Je viens entendre encore la messe de minuit. » Par un gai carillon, enfin fut annoncé l'office de minuit. Le chemin est glacé, disait Joseph Daniel, en traversant la lande. Chaque pas retentit, comme la lune est grande. Entends-tu dans le pré des voix derrière nous? Oui, j'entends des chrétiens, des pasteurs, comme vous. Ils ont vu cette nuit la légion des anges passer et du Très-Haut entonner les louanges. Gloire à Dieu dans son immensité. Paix sur la terre au cœur de bonne volonté. Et tous vont adorer Jésus, l'enfant aimable, le roi des pauvres gens, le Dieu né dans l'étable. Ô vivant souvenir! La nuit, par ce beau ciel, tandis que nous marchions en célébrant Noël, les arbres, les buissons, les murs du presbytère, dans la brune vapeur, passaient avec mystère. Toute l'église est pleine, et courbant leur front nu, les pieux assistants chantent l'enfant Jésus. Chaque femme en sa main porte un morceau de cierge. On a placé la crèche à l'autel de la Vierge. Je reconnais les saints, les lampes, les deux croix. Enfin, tout dans l'église était comme autrefois. Je restais comme une ombre immobile à ma place, muet, ou pour pleurer les deux mains sur ma face. À la communion, quand le prêtre arriva, offrant le corps du Christ, mon front se releva. Les hommes, les enfants et les femmes ensuite marchèrent lentement vers la table bénite, et comme en un festin où beaucoup sont conviés, dès qu'un communiant avait reçu l'hostie, du ciboire sortait la blanche Eucharistie. Une messe de minuit à Paris. Parmi les souvenirs de ma toute petite enfance, écrit François Copé, il en est un particulièrement doux qui surgit en ce moment du fond de ma mémoire, c'est celui d'une messe de Noël. La neige était tombée avec abondance les jours précédents, puis une forte gelée avait durci le blanc tapis de Frimat, et les rues, alors peu fréquentées de cette partie du faubourg Saint-Germain, faisaient songer à la retraite de la Grande Armée à travers les steppes de Russie et au passage de la Bérézina. Toute la famille s'était proposée d'assister à la messe de minuit, mais devant la rigueur de la température, il fut décidé que les femmes garderaient le coin du feu et que seuls les hommes, j'en étais un, songez donc, 5 ans et demi, se risqueraient à mettre le nez dehors. Donc, quand les cloches commencèrent à sonner dans le ciel étoilé, ma mère nous emmitoufla soigneusement, mon père et moi, sous les paletots et les cache-nez, et faisant craquer la neige durcie sous nos semelles, nous gagnâmes tous les deux, en suivant la rue Vanneau et la rue de Varennes, la chapelle des missions étrangères qui était alors notre paroisse. L'église, bondée de foule, la chaleur étouffante, le violent parfum de l'encens, l'harmonieux rugissement de l'orgue, les innombrables lumières des cierges, qui semblaient une pluie d'or immobilisée, je revois et je ressens tout cela comme si j'y étais encore. La crèche surtout, la crèche, avec ses personnages et ses animaux de bois peint et son petit Jésus de cire que les brins de paille auréolaient comme des rayons, émerveillèrent mes yeux d'enfant. Une messe de minuit dans l'église de Notre-Dame de Bethléem à Ferrières en Gâtinais. La seconde année de son pontificat, Saint-Pierre avait envoyé Saint-Savinien, Saint-Potentien et Saint-Altin prêcher l'évangile dans les Gaules. Après une longue marche pleine de périls, les nouveaux apôtres arrivèrent en un lieu solitaire, situé au bord d'une petite rivière appelée depuis la Cléry, non loin de l'endroit où la voie romaine, qui va d'Auxerre à Chartres, se croise avec celle de Genabum à Sens, à 9 lieues de cette dernière ville. les rares habitants vivaient au milieu de la nature agreste de ces contrées, demeurant dans des cabanes grossières que protégeaient les grands bois silencieux. Ils recueillaient du minerai de fer dont les gisements abondants apparaissaient çà et là et l'exploitaient dans des fourneaux de forge qui plus tard firent donner à la ville bâtie en ce lieu le nom de Ferrières. C'était au milieu de l'hiver, à la fin du mois de décembre. Les trois apôtres s'étaient retirés dans la cabane hospitalière de quelqu'un de ces pauvres forgerons élevés non loin de la rivière. Entourés de gens du voisinage, accourus pour contempler ces étrangers, ils se mirent à annoncer la religion de Jésus, mort sur une croix, pour nous sauver. Bientôt, un grand nombre des habitants fut converti par leurs paroles et surtout par les miracles dont elle était accompagnée. Mais de tous ces miracles, le plus éclatant fut celui qui arriva la veille de Noël, vers minuit, dans une petite chapelle où la communauté chrétienne était réunie pour prier et honorer l'anniversaire de la naissance de l'enfant Jésus. Saint Savinien disait la sainte messe. Tout à coup, une lumière mystérieuse remplit l'enceinte sacrée. Les assistants, saisis d'émotion, levant les yeux au ciel, purent contempler à loisir l'enfant Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph. Au-dessus de la crèche, les anges chantaient leur harmonieux cantique « Gloria in excelsis Deo ». Saint Savinien, transporté d'admiration et de joie, s'écria « C'est bien là, Bethléem !» Les envoyés de Saint Pierre, ravis de bonheur, se crurent un instant dans l'étable de la Nativité. C'est pourquoi ils donnèrent à leur chapelle le nom de Notre-Dame de Bethléem. Tel est, d'après les actes de la grande passion de Saint Savinien et de ses compagnons martyrs, 5e siècle, l'origine du premier sanctuaire consacré à la Mère de Dieu sur la terre de France. Tel fut le commencement de ce culte toujours vivace qui, depuis 18 siècles, amène chaque année à Ferrières du Gâtinais d'innombrables pèlerins dans le sanctuaire de Notre-Dame de Bethléem. La fête des ânes à Rouen. L'âne joue un certain rôle dans les offices du Moyen-Âge. Bien que cet animal ait la réputation d'être sobre, patient, laborieux et pour ainsi dire infatigable, ce n'est point pour ses précieuses qualités qu'on le fêtait, mais uniquement à raison des divers épisodes que rappelle l'Écriture. Sans parler de l'ânesse fameuse du prophète Balaam, c'est sur un âne que la Sainte Famille fuit en Égypte. C'est sur un âne encore que notre Seigneur entre triomphalement à Jérusalem le jour des rameaux. La fête de l'âne est, croit-on, originaire de Vérone, d'où elle se répandit dans toute la chrétienté du Moyen-Âge. D'après Ducange, qui reproduit l'ancien ordinaire de la cathédrale de Rouen, on faisait dans cette église l'office des pasteurs pendant la nuit de Noël. Les chanoines, habillés en bergers, et les enfants de chœur en ange venaient après le Te Deum des matines adorer Jésus-Christ dans la crèche derrière l'autel. Après tierce se faisait la procession des ânes. Le cortège suivait le cloître et la grande nef. Les chanoines y figuraient, habillés en prophètes. On y voyait Isaïe, Zacharie, Jean-Baptiste. Balaam même y était avec son ânesse, ce qui fit donner le nom de procession des ânes. Nabuchodonosor, les trois enfants dans la fournaise y paraissaient aussi bien que Virgile et la Sibylle. À la messe, on ne manquait pas de chanter la prose de l'âne. M. Nicolai, traduisant à peu près littéralement le Glossarium de Ducange, nous décrit admirablement toute cette pastorale. Au milieu de la nef de la cathédrale, on dressait une sorte de bûcher, composé de linges et d'étoupes, et après avoir chanté tierce, Procecio ordinetur post tertium, le clergé faisait processionnellement le tour du cloître, puis venait s'arrêter au centre de l'église, entre deux groupes représentant l'un les juifs, l'autre les gentils. Au bout de l'édifice étaient massés de nombreux personnages destinés à jouer le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Les chantres commençaient par apostropher avec impétuosité les juifs et les gentils, qui de leur place leur répondaient par un verset non moins violent. Les mêmes chantres, s'adressant ensuite à celui qui jouait le rôle de Moïse, disaient « Voici Moïse, le législateur ». Un Moïse à longue barbe, portant une corne au front, cornuta facie, vêtu d'une aube et d'une chape, tenant une baguette dans une main et les tables de la loi dans l'autre, entonnait à son tour un chant prophétique relatif à la naissance du Christ. puis un cortège, célébrant les louanges du Messie, conduisait Moïse près du brasier. Le même cérémonial se renouvelait pour chacun des prophètes, successivement interpellés. Ils s'avançaient à mesure qu'ils étaient appelés. Moïse était suivi d'Amos, vieillard barbu, ayant un épi à la main. Ensuite venait Isaïe, vêtu d'une aube, le front ceint d'un bandeau rouge. Puis Aaron, couvert d'ornements pontificaux, la mitre en tête, précédant Jérémie en habits sacerdotaux et tenant une petite boule à la main. Daniel, représenté par un jeune ecclésiastique, était drapé dans une tunique verte, et le prophète Habacuc, vieillard boiteux, suivait, orné d'une dalmatique. Dans un vase étaient des racines qu'il mangeait entre deux versets. Après lui, Balaam, monté sur une ânesse, tirait la bride et frappait l'ânesse de ses éperons, tandis qu'un jeune homme, lui barrant le passage avec une épée, l'obligeait à s'arrêter. Le jeune homme figure ici l'ange armé, dont parle l'Écriture dans l'épisode de Balaam. Un clerc, se dissimulant sous l'ânesse, disait alors avec une voix étrange « Pourquoi me déchirez-vous ainsi avec l'éperon ?» Puis l'ange disait à Balaam « Renonce à servir les desseins du roi Balak. » Et le chantre de dire « Balaam prophétise ». Alors Balaam répondait « Une étoile sortira de Jacob, orietur stelia ex Jacob ». À Balaam succédait le prophète Samuel, puis David, paré des emblèmes de la royauté, à la suite des prophètes envoyait Zacharie, habillé en juif et accompagné de sa femme Élisabeth, vêtue de blanc. Leur fils Jean-Baptiste avait les pieds nus. Derrière lui se tenait le vieillard Siméon et enfin Virgile, au visage resplendissant de jeunesse, qui devait s'étonner un peu de se trouver en si sainte compagnie. C'était ordinairement lui qui fermait la marche. Si l'on admettait le grand poète latin à la procession de Noël, c'est qu'il était réputé avoir prédit la naissance du Sauveur. On lit en effet dans les clogues qu'il adressa au consul Pollion les vers suivants. Ultima cum eiam carminis haetas, magnus ab integro sectorum nascitur ordo, iam redit et virgo redeun Saturnia regna, iam nova progenies caelo demititur alto. Tu modo nascenti puero quo ferea primum, desinet ac toto surget gens aurea mondo, casta faue lucina, tuus iam regnat Apollo. Voici que le dernier âgé prédit par l'oracle de Cum est arrivé. La grande révolution des siècles va recommencer son cours. Déjà une vierge revient et Saturne nous ramène l'âge d'or. Déjà un enfant va descendre des cieux. Veille sur lui avec un soin jaloux, ô chaste Lucine. C'est par lui que l'âge de fer cessera et que l'âge d'or reviendra sur la terre. Déjà règne ton Apollon. La procession de Noël se terminait souvent, dit le mémorial de Rouen, par un clerc habillé en sibylle, portant une couronne sur la tête et chantant des versets contenant des prédictions. On est aussi étonné de voir la sibylle dans ce cortège. Cependant, on admet assez généralement que les sibylles pouvaient connaître et prévenir l'avenir. Saint Jérôme leur attribuait le don de prophétie, et l'Église, dans la prose des morts, invoque l'autorité de la sibylle et semble l'assimiler à l'autorité même de David. Teste David cum sibylia. C'est la raison pour laquelle Michel-Ange les a représentés dans les célèbres fresques du plafond de la chapelle Sixtine et Raphaël dans l'église Santa Maria degli Apache à Rome. Quant à la prose de l'âne, nous n'avons trouvé aucun document qui nous prouve qu'elle ait été chantée à l'office de Noël. Farin seul l'affirme. Nous serions donc portés à croire qu'elle était chantée à la porte de l'église. Elle commençait par cette strophe « Orientis partibus adventavit asinus, pulcher et fortissimus, sarcinis aptissimus, hez sir an hez. » Des contrées de l'Orient, il est arrivé un âne beau et fort, propre à porter les fardeaux, hez sir an hez. Cette cantilène n'avait rien de choquant, ni pour le goût, ni pour les convenances. Telle était cette fête de l'âne, dont on a dit beaucoup de mal parce qu'elle prêtait à certains abus et dégénéra vite en un cortège peu digne du sanctuaire, ce qui la fit interdire par l'autorité ecclésiastique, il n'en est pas moins vrai qu'elle naquit d'une pensée de foi, d'une interprétation et d'une mise en scène ingénieuse des prophéties sur le Messie. Nous terminons ce chapitre par le ravissant usage de la scala de Noël. Dans un cos aride et sauvage, au flanc d'un rocher accroché, est un ancien pèlerinage entre ciel et terre perché. C'est Rocamadour qu'il s'appelle, lieu saint et des plus vénérés, où pour atteindre la chapelle, il faut gravir 200 degrés. Là survit un touchant usage. À chaque soir de la Noël, petits et grands de ce village semblent faire l'assaut du ciel. La population tout entière monte à genoux chaque degré en récitant sur chaque pierre de l'archange le 12 Ave. Et les prêtres sont à la tête de cette étrange ascension faite au son gai de la musette avec peine et dévotion. Telle à Rome la foule sainte au latran montant à genoux, la scala santa tout empreinte du sang du Christ versé pour nous. Conteste au Mahoni. Ici se termine le chapitre 3 de la nuit de Noël dans tous les pays. Enregistré par Christiane Johann.